conseil. Ma paix barou, faut coucou tel. Quoi suspendre même pour bon jeune gens. Pour ça, ouais, devant affaire. Ou t'es petit ou t'es qu'un maman. Avec papa qui pourrait de ou. Tout ça, blé, yo t'oblige, blé tout. Ouais, cougné, c'est pas même bagaille. Accident. Petite, petite, mon petit conseil. Ma paix barou, pour couper. Quoi suspendre même pour bon jeune gens. Pour ça, ouais, devant affaire. Ou t'es petit, ou t'es qu'un maman. Avec papa qui pourrait de ou. Tout semblé, yo t'oblige, je tout. Pour écouter, c'est pas même bagaille. Conseil. Passer mal.